7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète, bonjour, on espère que vous avez passé un agréable week-end. 7h, 9h, c'est Francky dans la radio. On est le 18 octobre aujourd'hui. Et ouais, ça y est, dans 15 jours, c'est Halloween, hein. Vous allez peut-être préparer une belle soirée. En tout cas, nous, on est là ce matin pour vous réveiller et vous donner de la spy. Courage à vous si vous allez bosser, vous êtes déjà sur la route. Et ouais, hein, y en a qui bossent quand même, hein. Y a pas que des feignants sur la planète. Salut à Coco qui est connecté déjà. Salut à Bertrand aussi qui est là du côté d'Olivier. Salut Francky. Et heureux de te revoir. J'ai vu ta photo sur Facebook, les gueules dans le cul. Bah ouais, c'est lundi matin, normal. Heureux d'être là. Et puis du soir qui arrive avec Donovan. On aura le nouveau Stromae qui vient de sortir un nouvel album. On aura le premier extrait, c'est Santé sur la radio couleur. Belle journée, bon dia à la planète. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Ouais, le matin c'est bien, hein, c'est bien Tintin, on va être là. De Nomar avec Soledad. Por no saber amar, como amar. La vida va pasando, tu carita no ha cambiado. Esos ojitos negros que siguen suplicando, como amar, como amar. ¿Te acuerdas de esa noche que éramos adolescentes? Quería darte un beso y tú tan inocente. Me tenía locamente enamorado. Me tenías locamente enamorado. Y ya lo ves, lo que fue ya fue. Y te

voici, frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Radio Conciel, le nouveau Stromae, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à tous les mêmes, tous les mêmes. On a reconnu un peu sa patte, le Belge qui est de retour. On est heureux de le retrouver. Radio Arc-en-Ciel, heureux d'être là. 7h11 minutes avec Philadelphia, c'est sur la radio couleur. Francky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ouais, votre réveil matin, il est là, hein, cherchez pas ailleurs. Coucou à José qui est connecté, qui est direction le boulot dans le camion déjà. Salut José. Amar aussi qui est là. Salut Amar. Belle journée Francky, merci pour ce petit slow tranquille le matin. Bah ouais, pour vous emmener au boulot. Puis une nouvelle version de Jérusalem qui arrive. Et je peux vous dire, elle déménage. Cette fille, elle est énorme, elle s'appelle Sarah. Écoutez, la version 2021 pour Jérusalem, c'est sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée. Jesus. 수완이 따뜻한 이런 걸로 세수 cette reprise belle 2021 Jérusalem Sarah, allez sympa la meuf, elle est pas mal en plus. Heureux d'être là, Doudou qui est là, salut Francky, belle journée, merci pour nous réveiller le matin. Bah oui, on est là jusqu'à 9h. Katia aussi qui est pas au boulot ce matin. Bah ouais, il y a du monde hein, qui vont bosser. C'est Francky dans la radio avec le meilleur des souvenirs 1984, forcément ça va vous rappeler de bons moments en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Coucou Olivier qui est là aussi, merci. On va vous parler aussi tout à l'heure de la passerelle, des bons moments à passer, ça c'est un vendredi, un spectacle qui arrive, et puis la météo aussi, l'horoscope sur la radio couleur. Coucou à Fernando, au Portugal, Forza Portugal il m'a dit, et voilà, Force au Portugal et Mandéa la planète, 7h18, avec les Bay Stan Gang, le meilleur des souvenirs, Can't Take My Eyes, How Are You? Feel Allez, arc-en-ciel, bande via la planète, si vous venez d'arriver de côté de la radio. Salut Joël, salut Olivier. Je vous rappelle le festival de la BD et du disque, hein, c'est le 24 octobre. C'est à Fleury-les-Aubrais, au Chapiteau. Bah ouais, Stade de la Vallée, un bon rendez-vous. Si vous êtes collectionneur, eh bien voilà, pourquoi pas. Et puis notre invité qui sera là tout à l'heure, Gilles, ancien militaire de l'armée de l'air. Il a passé son temps pendant le Covid à faire des recherches sur les présences des troupes américaines à Orléans. Alors vous allez voir, il y a plein de sites où ils étaient là en attente, justement, pour délivrer cette belle France. On en parlera avec lui tout à l'heure. Cet ancien militaire de l'armée de l'air qui sera notre invité en direct à la radio vers 8h, 8h15. Et puis du son qui arrive avec Amir. Si, hein, c'est sur la radio Coureur. Belle journée, bon réveil, c'est lundi. Bah oui, pas facile, hein. Yeah, bunks on rungs. Swing with me through the light. Home every just one night. Home every just one night. Oh, we never far to be. Baby, you're all I need. Baby, you're all I need. Oh. Tous les sons qui vont éclore. One plus one. De nos âmes multicolores. One plus one, on adore. Sia, d'ailleurs, le duo est plutôt surprenant avec Amir, qui avait été l'Eurovision il y a déjà 5 ans. Bah, ça passe, hein. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Puis si vous cherchez du boulot, bah, hey, Facebook recrute plus de 10 000 ingénieurs. Alors, si le poste vous branche, pourquoi pas. Comme quoi, Facebook, ça grandit. Bah, avec la thune qui se monte, tu me diras. C'est pas mal. Vous êtes ingénieur, vous êtes intéressé, bah, allez bosser sur Facebook. Goldman qui arrive avec On ira. Et puis, Chef Mami avec toute la famille. Kenza Farah et Pitbull. De ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. I need you, I need you, I need you. for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma haunt you like a Chris Webber timeout final vote. So to the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do us part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie n'est qu'un débalage. Oh oh oh oh oh. Redette là, Frankie, hi baby, I love you, ich liebe dich, te quiero mi amore. 7h30, vous êtes peut-être à la bourre, direction le boulot, pas facile le lundi matin de se réveiller. Eh ouais, mais bon, on a du son pour vous sortir de la douche, par exemple, avec Minelli qui arrive, pour Olivier et Joël qui viennent se réveiller. Ram, pam, pam, pam, pam. Ça me rappelle quelque chose, ça. Une belle soirée. En tout cas, la semaine prochaine, en direct sur Radar Franciel, vous allez pouvoir gagner vos pizzas. Bah ouais, pourquoi pas, allez manger une bonne pizza. Et ben, on vous en parle la semaine prochaine, en direct à la radio. Heureux d'être là, 7h30, c'est Frankie dans la radio. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé, y'a un pam pam. Tu as directement que je demande, y'a un pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y'a un pam pam. Je t'aime et comme un fou, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé, y'a un pam pam. Tu as directement que je demande, y'a un pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y'a un pam pam. Je t'aime comme un fou, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy on me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé, y'a un pam pam. Tu as directement que je demande, y'a un pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y'a un pam pam. Je t'aime et comme un fou, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé, y'a un pam pam. Tu as directement que je demande, y'a un pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y'a un pam pam. Je t'aime comme un fou, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. My soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow, I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Ram pam pam, j'adore, on est pas mal là, hein? Hey, ram pam pam, ram pam pam. C'est Frankie dans la radio, ouais, c'est un petit casque qui reste dans la tête, ça. Hein. Ouais, ouais. Même le week-end, on a dansé là-dessus, on a fait la fête, on était bien, en la météo. La météo. Ah, coucou à Tony qui nous écoute aussi sur la radio Arc-en-Ciel. Salut mon Tony, bah passe une belle journée. Appelle-nous Tony, tiens, 02 38 43 48 00. Ça me ferait plaisir de t'avoir au téléphone. Côté ciel aujourd'hui, eh bien du soleil, des nuages, ça va être mitigé. Ça caille un petit peu ce matin, 7 à 6 degrés au lever du jour. Les températures vont monter jusqu'à 20 21 degrés. Profitez parce que mercredi, jeudi, vendredi, de la pluie est annoncée sur la région d'Orléans. Bah ouais, c'est comme ça, en tout cas du son qui arrive. Et l'artiste, bébé, mafiosa. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go enfouraillée au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas le baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin, maman fiose, maman fiose. você me mata. Elle veut que je parle en portugais, mon amour, comment ça se mesure? Elle me rend fou, je suis torturé, je pense qu'elle a su très censuré. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, deixa eu ver como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa, com a mafiosa. Le volume, elle est choquante. Ce soir on sort et c'est moi qui chante. On va le cacher à tous mes potes qui rentrent. On est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, deixa eu ver como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, com a mafiosa não brinca com seu homem. C'est mon petit bout de femme, nous deux c'est un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma marrocana e a brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Do Brasil, gol! Do Brasil! Vous avez déjà vu les matchs de foot Brésil quand l'animateur écrit la gol quand il marque un but, c'est un truc de malade quand même, hein. Avec Mafiosa, l'artiste, ouais, fidèle auditeur Montoni qui nous écoute depuis des années, on le salue avec sa femme, ça fait plaisir de l'avoir. Et puis Pierre aussi qui est là du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée à toi, bon réveil, bah ouais. Et John, belle rabbit, ça arrive, on aura aussi les souvenirs avec Sharon. Et super d'être dur, courage à vous si vous allez bosser, pas facile tous les matins. Mais on est là, hein, lundi c'est pas facile. La tête dans le huc, mais droit dans les yeux, vous regardez, hein. Ouais, écoutez, la voix officielle de la radio, Francky, 7h-9h. I'll do my bad habits, it's a me donne envie de retourner en boîte là. Pas tout de suite hein, mais ce week-end en tous les cas, j'espère que vous êtes sortis un peu, ce week-end vous avez fait la fête. Et je vous rappelle, il faut toujours un sam hein, si vous sortez en club, dans les bars, etc. Hein, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ouais, c'est super important, soyez prudents sur les routes, soyez heureux aujourd'hui, c'est lundi, c'est le boulot, bah ouais, vous avez le smile, normal, vous allez bosser. Il y en a plein qui me disent, ah, j'ai pas envie d'aller bosser, bah ouais, c'est ça. Salut Joël, salut Olivier, salut Montoni, salut Edouard, salut Fernando qui est là du côté de la radio et puis du côté de la passerelle, ça se passe bien. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Bah, la passerelle, il n'y a que des bons plans, la passerelle, c'est pas compliqué, de toute façon, que des bons plans pour sortir vendredi soir avec un spectacle de dance music qui va forcément vous plaire, qui va vous rappeler quelques bons moments. Dance Speak Easy, c'est ce vendredi à la passerelle, le 22 octobre, un spectacle qui va durer une heure. Les enfants à partir de 6 ans, direction Fleury-les-Aubrais, vendredi soir, pourquoi pas, vous allez voir du très très lourd à la passerelle à Fleury-les-Aubrais, et puis encore du très très lourd dans les années 80, le créateur du disco, Sharon, ouais, avec Super Nature, c'est sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée. Yeah. 44 Radio Concert avec le mythique disco Sheeran, Supernatural, même le créateur du disco sur la planète. C'est vrai que c'est lui qui avait amené en France hein, l'épopée disco avec ce titre Sheeran Supernatural. Heureux d'être là avec vous dans la radio. Notre invité tout à l'heure vers 8h15, ce sera Gilles, ancien militaire de l'armée de l'air, qui pendant le Covid justement a trouvé une passion. Il a fait des recherches énormes sur Orléans, où étaient les forces américaines pendant l'occupation d'Orléans. Et bien on va vous donner des sites, vous allez être surpris, et ça va vous rappeler une belle mémoire quand même. Les Américains qui ont sauvé hein, la France, hein, faut dire ce qu'il est, dans les années 40, et bien ils seront là pour nous expliquer où ils étaient stockés, tous ces Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'était à Orléans, vous allez voir des beaux sites, hein, notamment Coligny, Chevilly, on va en parler tout à l'heure avec lui, Gilles, notre invité. Et puis du son qu'on adore, une petite nouveauté comme ça avec Soul King et Bye Bye sur la radio couleur. Et qu'on peut finir en Dominicana. Tu sais que t'es fraîche donc tu te pavanes. On a beaucoup souffert donc on dit ça va. Je claque beaucoup plus qu'un salaire. En Versace t'es belle, yeah. J'en garde tes yeux, je regarde pas le prix de ce que je t'achète. La sécurité ensemble on a su passer souffert ensemble pour oublier. T'es pas le temps de leur dire bye bye. Toi et moi c'est amis. Pas le temps de leur dire bye bye. Faut qu'on oublie nos malheurs d'aller. Dis-moi juste on va où, va où, va où. Bébé je veux quitter Paris. Dis-moi juste on va où, va où, va où. Laisse-moi un peu changer d'avis. Si demain ça va, en Afrique ou en Asie, laisse-les regarder nos vies. Si demain ça va, allez au Mali, bébé fais des valises. Et si la vibe change, tu vas faire quoi? Je peux enfin tout offrir ta graisse. J'ai investi dans la pierre, on peut partir. T'inquiète pas, ça va rentrer. Je sais enfin ce que c'est que la vie, la loque. J'ai déjà mis le plein dans la caisse. Oh baby, ouais t'es trop belle en Gucci, laisse-moi payer. On a assez pleuré ensemble, on a su assez souffert ensemble, faut oublier. Et pas le temps de leur dire bye bye. Toi et moi c'est la vie la neuf. Pas le temps. Ciel, le meilleur de la musique avec Soul King, bye bye. Ouais, pas tout de suite, hein. Moi je pars à 9h, en tout cas on est avec vous. Coucou à Eduardo, Eduardo qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Francky pour nous réveiller le matin, ça fait plaisir à Orléans, 96.2 FM. Ouais, on est bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Tout à l'heure, notre invité, ce sera Gilles vers 8h15. Et là c'est Daddy Yankee, Doula, Doula, Doula. Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú. pam pam pam. Si me dejas en esa curva le doy pam pam. Cuando tú recetándose tapa tu mente. Me gusta como mueve ese ram pam pam. Mi mente maquinando en un pam pam pam. Si me dejas en esa curva le doy pam pam. Belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludos a toda la nena que paraliza la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo este tal. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se te encende cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esta mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo por la dieta. Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. ¿Tú quieres eso? Otro como tu mami no hay. Venga, que dale por mi baile. Et on adore, ouais, ouais, pour que ça dure. Daddy Yankee sur la radio couleur, bientôt 8h, l'horoscope qui arrive dans moins de 10 minutes. Et notre invité aussi, 8h15, ça sera Gilles, l'ancien militaire de l'armée de l'air, qui va nous parler de plein de belles choses, vous allez voir. Ça sera en live à 8h15. La météo pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. La météo. Eh bien profitez parce que ça va se dégrader à partir de mercredi, hein, de la pluie malheureusement annoncée ce mercredi, jeudi, vendredi. Et ça revient à la normale pour le week-end, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre aujourd'hui le soleil est là avec quelques nuages quand même au lever du jour. Ça caille un petit peu ce matin, ouais, 7 degrés et on va dépasser les 20-21 degrés. Donc profitez lundi, mardi du soleil, des nuages et mercredi, jeudi, vendredi, ça va pas être terrible du tout, du tout. Rec qui arrive et on adore sur la radio couleur. Belle journée, bon lundi et bon réveil. Aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. No puedo asimilar que ya tú no estás, sin ti nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra similar. Que tú me hiciste que no te puedo olvidar. Oye, tú me quieres a tu manera. Mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera. Que porque volvieras daría lo que fuera. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Me saca de mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Me saca de mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad. Duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar. No te alejes de mi vida. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo Et ça, vous adorez sur la radio couleur REC avec Ozuna. On redresse avec vous. Coucou à Stéphanie qui nous écoute en voiture. Bonjour Francky, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui qui fête ses 8 ans. Oh, bah, plus bon, zé, douce. Ouais. Henry Mendes, il y a tout le monde là. Los Latinos. Bon anniversaire à Stella, la petite Stella. 8 ans aujourd'hui, à plus bon zé. Bailando la disco de forma indecente, la mano para arriba mi gente, que somos latinos de sangre caliente, quiero tenerla junto a mí, cuando la bese me diga que sí, cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi capa ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca, voy jugando con tu pelo, el mío te vuelves loca, yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura, los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura. Que bailes conmigo, puedo llevarla hasta el cielo pa' que se quede conmigo. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. En direct, 7h56 minutes, on est avec vous. Hein. Côté météo, c'est plutôt pas mal, je vous l'ai dit. Hein. Tout à l'heure, jusqu'à 21 degrés, le soleil, les nuages seront au rendez-vous. Mais bon, 21, ça fait du bien. La pluie revient malheureusement. Attention, ça sera mercredi et jeudi. Donc aujourd'hui, bah, profitez des derniers rayons de sol. Et le rayon de sol, il arrive avec les vacances. Ah, c'est peut-être loin pour vous, mais peut-être pour certains encore qui vont partir là bientôt pour les vacances qui arrivent très très vite. Voici la Madone dans les années 80. C'est Holiday sur la radio couleur. Tourneux en direct avec le souvenir vacances, la Madone et Holiday. Quel bon souvenir quand même. On a dansé là-dessus, on a fait la fête. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 9h, notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes, Gilles, ancien militaire de l'armée de l'air. Il va nous parler justement des présences, des forces américaines à Orléans. Il aura des bons plans à vous donner, vous allez voir. Ça va être surprenant, une belle histoire en tout cas que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, il va nous en apprendre plus, justement, sur la présence américaine. C'était dans les années 40 à Orléans. Heureux d'être là, Francky dans la radio. Et puis Françoise qui est connectée, salut Francky, bonne journée, bonjour Christelle aussi qui est là, bonne semaine Franck, merci Christelle, vous êtes là, vous êtes nombreux le matin à nous retrouver, 96.2 FM et Gilles qui arrive à 8h15 en direct à la radio. C'est mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé, j'ai envie de te voir réveiller, il y a des stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé, c'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué comme ma princesse. Minga mon apita, hello. Minga mon amona, hello. Vas-y, cola, passi. Allez, ben mon tour est au. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Sont venus sur une plage étoilée. Je t'observais danser. L'air détaché, mes yeux brillaient, c'est ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Oh petit matin, tu t'es enfui. Sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. L'océan Indien, on dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué comme la princesse. Minga mon apita, hello. Minga mon amona, hello. Vas-y, cola, passi. Allez, ben mon oiseau. J'ai envie de te voir réveiller. Il y a des stress, te voir danser. Mon bébé, quel souvenir soleil avec Jimmy Gassel et Figo. Maquillé, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. L'horoscope qui arrive côté amour, et bien on va en savoir plus pour vous ce matin. On est en direct 96.2 FM. L'horoscope, c'est maintenant. Et c'est maintenant, et on démarre avec les béliers. Les béliers, des événements imprévus éclaireront d'un jour nouveau certains problèmes récurrents d'ordre familial. Les taureaux, consacrez-vous un peu plus au plaisir de la vie. Retrouvez le dialogue avec les êtres chers. Les gémeaux, célibataires, vous éprouverez plus que jamais le besoin d'une liaison durable. Patience, vous allez faire des rencontres très positives. Les cancers, vos amis et vos proches vous donnent de très belles preuves d'affection, faites le plein pour vous appréhender des jours difficiles. Les lions, votre sens de la famille sera aiguisé, vous ferez passer vos enfants en premier, ça c'est normal. Les vierges, vous aurez l'occasion de tirer de justes conclusions sur le passé, si ce passage obligé et douloureux il s'avère nécessaire. Les balances, c'est un climat de stabilité et de fidélité qui prévaudra, vous vous sentirez serein et prête à vous engager plus avant. Les scorpions, attention, attention, certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse. Ne soyez pas trop crédule et ne vous laissez pas entraîner dans des comportements auxquels vous n'adhérez pas. les Sagittaires. La chance sourira aux couples qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Vous aurez une foule d'idées à concrétiser. Les Capricornes, le calme revient à la maison. Enfin, il suffit parfois d'une petite mise au point pour tout arranger. Ah ouais, juste une mise au point, c'est ce que disait Jackie Quartz en 80. Les Verseaux, votre bel enthousiasme sera communicatif et la journée est placée sous de bons auspices. Et les Poiscailles, vous nagez dans le bonheur, c'est ce qu'on dit. Les problèmes domestiques perturberont le domaine amoureux aujourd'hui. Donc faites gaffe les poissons, hein. L'horoscope, 8h07, notre invité qui arrive dans moins de 8 minutes en direct à la radio couleur. Et puis du soleil, toujours pour vous réveiller. Ça me fait plaisir de vous retrouver, 7h-9h, c'est Francky dans la radio avec l'île de la Réunion qui est à l'honneur ce matin. DJ Assad à la Ramanissium et Willy William avec A la Lila. Belle journée et bon réveil, courage à vous si vous allez bosser ce matin. Pas facile le lundi de se réveiller, mais on est là avec normalement le soleil qui est au rendez-vous avec pas mal de nuages. C'est vrai que ça caille un petit peu. 7h, ça bouge aussi sur la tendancielle, c'est ce que me dit Elodie. Elodie, dans les bouchons sur la tendancielle. Ah là là, courage Elodie. Belle journée, bon réveil, à la Lila. Te sens-tu-toi dans la gaieté? C'est qu'à peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait t'oublier tous à grains. Allô, bouge les reins. C'est gars là pour faire ta passe de la fin. Mets la toi dans tous les quais. Vini danser, pas bien topé. Ici c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cés. À la Lila. Le Sega, à la Lila, bouge ton bassin, tu mets pas, à la Lila, ça s'appelle le Sega. Nous bouteilles du vin, nous gondora dans la tamboula d'imbaté. Nous pourrouler dans l'unité. T'es gentil, n'en démarraman, ça couille, raman, pé, batte, les reins, la rapé, vous zéra, nous lèvres, nous lamer. Santé, danser pour nous amuser. C'est ça! Mettre la joie dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. Ici, c'est grâce à nous dansons frais. De Paris à l'île aux Cés. À la Lila, bouge ton bassin, tu mets pas. À la Lila, ça s'appelle le Sega. À la Lila, bouge ton bassin, tu mets pas. À la Lila, ça s'appelle le Sega. Jolère le matin, 8h12 minutes, on est en direct, on est là, c'est Francky dans la radio. Ça me fait vraiment plaisir, notre invité qui arrive dans moins de 20 secondes, il est là, c'est Gilles dans les studios de la radio, ça me fait plaisir de le recevoir. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, et quasiment tous les jours, il y a un invité sur la radio couleur, et puis on démarre cette semaine en beauté avec Gilles dans les studios de la radio. Bonjour Gilles. Bonjour Francky. Ça va la forme? Très bien. Pas trop dur, non, pour un militaire, ça va pas être trop dur de se réveiller de bonne heure. Non. Un ancien militaire, pardon. Oui, un ancien militaire, mais on garde les vieilles habitudes. C'est vrai, à l'armée, on se lève de bonne heure. Moi, j'ai fait l'armée il y a très longtemps. C'est vrai que le réveil, des fois, à 5-6 heures, hein, c'est pas facile. Hein. Oui, mais bon, après, ouais. On s'y fait. Il faut être au rapport, hein. Il est rasé, attention, sinon on va au trou. Gilles, ancien militaire de l'armée de l'air, une carrière de combien d'années? D'une trentaine d'années. Ah oui, quand même, ouais. C'était quoi le grade dans l'armée de l'air? Le lieutenant-colonel à la fin. Oh, pardon, mon lieutenant-colonel. Ah bah non, j'ai du lourd en face de moi alors. Alors, je t'appelle comment, mon lieutenant-colonel? Gilles, ça suffira. Ou Gilles. Monsieur maintenant, ça suffira. Ouais, on va s'appeler Gilles. Moi, je pense. Voilà, ça me fait plaisir de te recevoir ce matin sur la radio couleur. Merci à Benoît, justement, qui m'a mis en relation avec toi, pour parler de belles choses et justement de la présence des forces américaines sur la région d'Orléans. Exactement. Alors, vous qui êtes peut-être militaire, ou alors qui avez connu, entre guillemets, peut-être la guerre de 39-40, c'est ça, Gilles? C'est plutôt la présence des Américains à partir des années 50, ouais, quand ça. Ils sont revenus. D'accord, quand ils sont revenus de... D'accord. On va en savoir plus ce matin. Alors, beaucoup de villes ont été visitées. Alors, j'ai vu, il y avait Chevilly, il y avait plein de petites villes autour qui viennent se greffer autour d'Orléans. Oui, parce qu'on parle finalement de la présence des Américains à Orléans, mais c'est surtout toutes les petites communes de la métropole qui ont accueilli des garnisons américaines, je pense notamment à Olivet, sur Olivet il y avait il y a le 6e cuir par là. Voilà, c'est une création américaine. Les gens ne le savent peut-être pas. Ah ouais. Mais donc c'est sorti de terre grâce aux Américains. Et ce qu'on appelle les maisons américaines à Saint-Jean-de-la-Ruelle aussi. Exactement. Ça a été construit pour loger les familles américaines puisqu'il y avait pénurie de logements à cette époque sur Orléans. Ouais. Mais on les retrouve à Chanteau où ils ont remis en état l'ancien hôpital ils ont construit l'hôpital de Chanteau. De Chanteau, ouais. À la chapelle Saint-Mémin, ils ont rénové l'ancien séminaire, ouais. Qui a été un des hôpitaux les plus modernes en France dans les années 50. Oui. Ils ont également été présents à Saint-Yves où ils avaient un dépôt de cartes, ils avaient un centre de transmission à Saint-Lyé. Donc vraiment présent sur toute l'agglomération, à Saran où ils avaient leur aérodrome. Donc il y a plein de traces encore qui restent de leur présence, et notamment au travers, comme tu disais, des lotissements qui ont été créés pour eux, puisqu'il y en a trois sur la région. Parce que moi j'ai un ami qui habite à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans les anciennes maisons américaines là, et c'est lui qui m'a raconté un peu l'histoire. Bon, il la connaît peut-être pas par cœur, mais toi justement tu t'es intéressé de très près justement, et pourquoi? C'était pendant le Covid. C'est ce que tu dis. Bon. Oui, bah alors moi quand je suis arrivé à Orléans, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire, et l'histoire militaire en particulier. T'es un fan de ça, partout où t'as été muté, tu t'es toujours intéressé. Oui, un petit peu aux endroits où j'étais, et puis l'histoire en général m'intéresse. Donc en arrivant sur Orléans, j'avais entendu parler de cette présence américaine, et en cherchant des livres qui en parlaient, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que rien n'avait été écrit. Et pourquoi rien n'était écrit? Personne s'intéresse à ça, peut-être. T'es le seul? J'ai été muté sur la base de Brissy, et il y a un petit musée sur cette base, et j'ai découvert un mémoire de maîtrise d'un étudiant orléanais qui a traité le sujet en 1991. Ah oui, d'accord. Et donc à partir de ce travail, j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs. Et donc c'est là où j'ai découvert, contrairement à d'autres endroits, comme je pense à Châteauroux par exemple, où il y a beaucoup de livres décrits sur la présence américaine et sur la base de Châteauroux. Contrairement à ça, sur Orléans, rien. Alors c'est plus tout à fait vrai, puisque depuis... Parce que t'as fait des recherches. Oui, puisque depuis le mois de juin, il y a quand même une dame qui s'appelle Sylvie Blanchet, a écrit le premier livre sur la présence américaine à Orléans. À Orléans, Donc j'ai retrouvé un certain nombre de choses que j'avais trouvées également dans les archives. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça serait de sortir un livre d'ici l'année prochaine. C'est ce que t'es en train de faire. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. La période du Covid étant propice à la réflexion et à la recherche. T'es à la retraite, peut-être la retraite de l'armée, non? Je suis encore plus ou moins en activité, mais en freelance, donc j'ai un peu de temps pour faire ces recherches. C'est un peu l'avantage d'être ancien militaire, c'est-à-dire qu'on a la retraite avant, mais on peut retravailler derrière, on peut, comme dans d'autres catégories de métiers, mais c'est vrai que nous, ça permet d'avoir un peu plus de temps libre. Donc cette présence américaine à Orléans dans les années 50 jusqu'à quand, 60 jusqu'au 1er avril 67. 67, j'étais pas encore un an avant, le général de Gaulle avait émis le souhait de ne plus avoir de troupes étrangères sur le sol national. Pourtant, les Américains nous ont sorti de la panade. Hein. Oui, oui, mais bon, la France, à cette époque-là, avait recouvré sa pleine souveraineté, avait la bombe atomique, donc des moyens nouveaux qui permettait au général de Gaulle de dire qu'on n'avait plus besoin d'eux. Ouais. Peut-être. Merci, au revoir. Voilà, c'était un petit peu ça. Merci de nous avoir sauvé la France. Même si on en a eu besoin. Heureusement qu'ils étaient là. Oui. Alors là, ça nous ramène effectivement quasiment 20 années avant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Après, pourquoi est-ce qu'ils viennent en France en 1950? Ouais, pourquoi? Pourquoi de 50 à 67? Je savais que c'était 17 ans quand même en France. Ouais, oui. Donc, c'est peut-être la bonne bouffe française. Pas spécialement, les Américains sont quand même un peu plus pragmatiques que ça. C'est ça. Ils se sont aperçus que leur principal port de ravitaillement, qui était à Bremerhaven en Allemagne, était potentiellement trop près d'une ligne de confrontation avec les Russes, puisqu'il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque, c'est la pleine guerre froide, et on pense que les Russes vont franchir la frontière allemande. Ça fait peur. Et donc, leur principale ligne de ravitaillement étant potentiellement menacée, ils ont décidé de réinstaller ce qu'ils avaient installé lors de la Première Guerre mondiale, à savoir une ligne de ravitaillement qui partait des ports de l'Atlantique, Bordeaux, La Rochelle, Saint-Nazaire, et qui retraversait toute la France jusqu'à la frontière allemande. Ouais. Et donc, dans un souci d'efficacité, ils ont choisi la ville qui était au milieu de cette ligne. En gros, c'était Orléans. D'accord. Beaucoup de sites que tu nommes, peut-être que vous, de l'autre côté de la radio, ça va vous parler, parce que vous habitez peut-être du côté de Coligny, ou alors de Chanteau, de Saint-Privé-Saint-Mémin, de Saint-Dié d'Olivet, de Donnery. Et là, il y a eu pas mal de stockage américain, de maisons, d'habitants. Ah oui, tout à fait, parce qu'ils sont arrivés donc dans un premier temps à Coligny. Coligny qui était la caserne Coligny. Coligny, on connaît, c'est les impôts. Alors, bien sûr, on la connaît. Les bâtiments des impôts ont été rénovés par les Américains. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, une belle histoire. Ils ont récupéré une ruine, puisque Coligny, après la guerre, dans les années 50, c'était une ruine, donc ils ont tout retapé dans un premier temps. On peut la rebombarder si volant. Ça ne regâche que toi. Je vais encore faire des ennemis peut-être, ou des amis aussi peut-être. Et donc à partir de Coligny, ils ont commencé à organiser la gestion de cette fameuse ligne de communication, donc de l'Atlantique jusqu'à l'Allemagne, et en créant d'autres sites pour lesquels ils avaient besoin. Et rapidement, leur population militaire a augmenté, puisque au plus fort de leur présence, ils sont arrivés à peu près 4000 militaires. Ah oui, quand même. Et entre 12 et 13 000 Américains en tout, si on compte les familles qui sont venues les rejoindre. Ouais. Et donc, on est en pleine période de reconstruction à ce moment-là à Orléans, donc pénurie de logements, et c'est ce qui va produire la mise en place de ces et la construction de ces lotissements. Donc la petite Espère La petite Espère, c'est à Saran, non? Non, c'est à Olivet. Non, je cherche, ça me parle, la petite Espère. Il suffit que tu me le demandes pour que je m'en rappelle plus. Mais ça me parle, la petite Espère. C'est où ton ami Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà. Ouais. On parlait des maisons de Saint-Jean-de-la-Ruelle, si vous habitez là-haut, justement, c'est les quartiers américains. Un autre quartier américain Olivet. Ah oui. Résidence du maréchal Foch, le long de la Nationale 20. Alors c'est marrant, les maisons, c'est les maisons à toit plat, quasiment. Style américain qu'on retrouve un petit peu dans toute la France. Où ils avaient des bases. Ouais. Et le troisième lotissement, qui est un peu moins connu, c'est la résidence des Châtaigniers, qui est le long du canal à Saint-Jean-de-Bray. Saint-Jean-de-Bray, voyez. Donc des petits immeubles qui étaient là, qui avaient été construits plutôt pour les hommes du rang et les jeunes sous-officiers. Bah justement, si vous habitez par là aujourd'hui, vous allez dire, c'était une maison américaine. Peut-être que vous habitez en ce moment là-haut même. L'hôpital de la Chapelle Saint-Mémin aussi. L'hôpital qui était un des... Qui est abandonné, je crois, maintenant. Hein, il est muré. Et donc, je crois que puisqu'il appartient à l'hôpital d'Orléans, et il est mis en vente pour un projet immobilier dont je ne connais pas encore les tenants et les aboutissants. Ouais. Mais à l'époque, c'était l'hôpital américain le plus moderne en France. En France, ouais. Et notamment, ils ont construit une maternité. Fin 50. Et dans laquelle plus de 5000 naissances. Ah oui. Ont eu lieu, des naissances d'enfants franco-américains. D'enfants américains, voire franco-américains, puisque beaucoup d'Américains ont épousé des Françaises à cette époque-là. et aux grandes dames de la population mâle orléanaise qui voyait en les Américains des concurrents malhonnêtes. Ouais, peut-être que maintenant il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, ils vivent maintenant. Exactement, bah au cours de mes recherches, puisque j'ai lancé des appels à témoins et par rebond successif, j'ai reçu des documents d'une dame américaine notamment qui habite, enfin une française qui habite aux États-Unis et qui s'était mariée à l'époque avec un Américain, et beaucoup de Françaises sont parties aux États-Unis vivre une vie avec des fortunes diverses, puisque certains ont cru continuer à vivre le rêve américain qu'elles avaient pu connaître à Orléans. C'est ce qu'on dit, le rêve, hein, et New York, etc. Mais certaines se sont retrouvées au fin fond de l'Arkansas, dans une baraque en tôle. Dans un ranch, c'était la classe. Ouais. Mais d'autres se sont retrouvées dans des baraques en tôle. Ouais, donc, certaines sont revenues, certaines ont divorcé sur place. Enfin, autant de parcours de vie qu'il y avait de personnalités. Il y en a pas mal qui ont galéré, alors, hein, c'est ce que tu dis. Oui, certaines n'ont pas... je dirais que les jeunes Américains qu'elles rencontraient sur Orléans avaient des dollars, avaient une vie facile. Oui. Et c'était un paravent, puisque ces gens-là, après, quand ils ont fini leur service militaire et qu'ils sont rentrés chez eux, sont retournés à leur vie passée. Et leur vie passée n'était pas forcément celle qu'ils montraient à Orléans. On rêvait aux États-Unis. En tout cas, un livre, donc, tu le disais, qui arrive sur les années américaines à Orléans. Alors, tu vas refaire un livre dans le même esprit, 50-67, ou alors Oui, tout à fait. Oui. Alors, des photos, peut-être, non, de l'époque. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, le livre de Sylvie Blanchet, lui, n'a pas d'iconographie. Donc, moi, l'idée, ça serait un complément de ce livre-là. Et je me donne jusqu'à la fin de cette année pour finaliser, pour recueillir déjà du matériel, et des témoignages, photos, documents d'époque, pour toute l'année prochaine préparer le livre, trouver un éditeur et puis essayer de le sortir pour la fin de l'année 2022. Belle idée en tout cas. Alors comment se passe ça, tes recherches, les témoignages de ces forces américaines à Orléans? Ça c'est comment, du porte à porte, un peu comme un représentant qui va dans les villes et qui dit c'est un petit peu ça, parce que bon, j'ai terminé ma recherche des archives papier. Auprès des archives départementales et municipales. J'ai lancé un appel à témoins dans des journaux locaux et sur certaines radios, comme tu me permets de le faire aujourd'hui. Justement, je te remercie. Si vous êtes de l'autre côté de la radio, ça vous parle, ou peut-être votre père, votre grand-père, n'hésitez pas. Encore des vieux papiers, ne les jetez pas. Gardez-les, et je viendrai les étudier. Et donc, avec ces témoignages, principalement de personnel français qui ont travaillé pour les Américains, qui ont déjà beaucoup de choses à dire. Ah oui, déjà. Ouais. Et avec ces épouses de soldats américains avec qui je suis en contact. Et c'est vrai qu'Internet aujourd'hui facilite beaucoup les choses, contrairement à l'année 1991 dont je vous parlais tout à l'heure, et le travail de cet étudiant qui ne s'était consacré que sur du papier. Avec Internet, on peut rentrer en contact avec beaucoup de monde. J'ai écrit aux États-Unis, dans certains musées de l'armée, aux archives nationales américaines. Alors c'est vrai que le Covid a perturbé beaucoup de choses. Exactement. Mais j'ai quelques réponses malgré tout, et bon, des fois je vais de désillusion en joie, mais je pense que c'est le lot de tout chercheur, même si j'ai pas la prétention de me considérer comme un chercheur. C'est une belle aventure, je trouve. Il faut déjà oser, parce que c'est de la recherche. Finalement c'est très long. Après la difficulté à laquelle je me heurte aujourd'hui, c'est de cadrer ce travail, puisqu'on peut prendre plein de pistes. Et je dirais que le travail est loin d'être terminé. Il y a tellement d'aspects de la présence des Américains qu'on peut étudier. Donc la difficulté, c'est de se donner un cadre et de pas le dépasser. Tu es en relation aujourd'hui sur Orléans avec des personnes qui sont toujours là? Oui, il y a beaucoup qui habitent toujours dans les maisons, ou dans les quartiers, ou à côté. Oui, ou à côté. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé pour eux, qui sont encore sur l'agglomération. Ouais. J'ai rencontré également deux militaires américains qui sont revenus habiter sur Orléans et qui avaient passé une partie de leur temps militaire sur les camps orléanais. L'idéal, ce serait de trouver une maison où il y a des archives, peut-être à la cave, ou là dans les sous-sols. C'est ça. De temps en temps, là, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a prêté une trentaine de photos. Ouais. de cette époque-là. Donc voilà, il y a de la documentation sur l'Orléanais, c'est sûr. Ouais. Après, c'est grâce à des moyens comme le tien. Ah non, nous on lance un appel hein, justement aujourd'hui. C'est un peu un appel. Exactement. Si les gens ont des choses à dire ou à pouvoir prêter, qu'ils s'adressent à la radio. Vous m'appelez à la radio, hein, vous nous laissez vos coordonnées, puis on vous mettra en relation directement avec Gilles. L'idéal, ce serait de trouver une maison américaine où il y a un trésor à la cave, là où t'as toutes les archives, ça serait vraiment le mais top, c'est vrai que les maisons américaines, dont celle de la Petite Espère dont tu parlais tout à l'heure, ont été construites dans un standard des années 60 où on faisait pas attention à l'économie, puis à l'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, la plupart ont été rénovées, modifiées. Donc il y en a quasiment plus dans leur jeu. Très grandes maisons, hein, très très très larges. On les voit d'ailleurs, et tout le monde se pose la question. Souvent, on dit pourquoi ils ont les toits plats comme ça. C'est une construction à l'américaine avec un standard de confort à l'intérieur à l'époque. À l'américaine qui dépassait tout ce qu'il y avait en France. On voyait pas les petits HLM tout petits. Et notamment avec l'électroménager de pointe qu'on pouvait trouver dans les années 50 et qui n'était pas encore disponible sur le marché français. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour t'aider, Gilles, alors si on les écoute à la radio? Parce que là, tu vas sortir un bouquin d'ici la fin de l'année, c'est ce que tu dis. L'année prochaine, ouais, pardon, sur les forces, les présences américaines en France des années 50. 50 et 60, ouais. Voilà, c'est ça. Si aujourd'hui on a besoin de t'aider, si quelqu'un pouvait t'aider. Si quelqu'un a eu de la famille qui a travaillé pour les Américains, qui a encore des documents de cette époque, des gens m'ont prêté des laissez-passer qu'ils avaient gardés, par exemple, pour rentrer à Coligny, des fiches de paye, des programmes de cinéma qui étaient sur les différents sites, ou des photos de l'époque. Tu t'es rendu à Coligny un petit peu, non? Oui. Mais Coligny a bien changé par rapport à l'époque. Il n'y a pas un côté archives peut-être qu'ils ont stocké depuis? Il y a les archives départementales à Coligny, mais il n'y a pas d'archives pures sur Coligny. Mais j'ai rencontré un monsieur qui travaillait, je crois, à la DDE, à Coligny, et un jour il est tombé sur des rouleaux de papier. Et ces rouleaux de papier étaient provenaient de la police militaire américaine et datés de 1954, sur lesquels étaient répertoriés tous les délits par mois. Ah oui, carrément, ouais. Et donc il a trouvé ça un jour en déroulant des feuilles de papier. Ouais. Et donc il t'a contacté ? Il m'a contacté. On a fait des photos et je pense que c'est le genre de document qui rend vivant justement. Rappeler les souvenirs. Cette histoire. C'est bien de remémorer tout ça un petit peu. Parce que sur Orléans finalement, y a rien. Peu de gens s'en rappellent. Ouais. Donc pourquoi j'essaie toujours d'analyser un petit peu contrairement comme à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Châteauroux par exemple, où là c'était un gros traumatisme quand les Américains sont partis. Ouais. Sur Orléans, le traumatisme a été bien moindre, mais parce que je pense que le tissu industriel et économique sur Orléans était différent et que ça a permis de recaser très rapidement la majorité des ouvriers et des personnels qui travaillaient pour les Américains. Alors que, par exemple, sur Châteauroux, c'était une population d'ouvriers hyper spécialisés en aéronautique. Ouais. Et après, l'aéronautique a périclité un petit peu sur Châteauroux. Et donc, beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage. Ouais. Contrairement à Orléans, où finalement, les entreprises ont permis, grosso modo, de réemployer la majorité des personnels qui travaillaient pour les Américains. Voilà, en tout cas une belle aventure pour toi, avec un bouquin qui arrive prochainement. Et si vous pouvez l'aider de l'autre côté de la radio, vous avez peut-être un père, une mère, ou alors un grand-père qui est encore là et qui peut. Et là, vous allez vous dire, mais moi, mon grand-père, il habite là, peut-être qu'il pourra l'aider. Exactement, comme ça. C'est comme ça que j'avance. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter à la radio et on transmettra toutes les coordonnées, bien sûr, à Gilles. Je sais pas comment je t'appelle, lieutenant-colonel. Non, on continue avec Gilles, c'est pas mal. Bon, Gilles, ok. Bonne chance, bonne continuation, Gilles. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler un petit peu de ce sujet. Ça fait plaisir. Moi, j'en apprends plein, toi, tous les jours. J'ai vu le mail que tu m'envoies, tous les sites répertoriés où tu étudies tout ça. Et franchement, c'est impressionnant. Ouais, ça m'a impressionné. Et puis, des choses que je savais pas. Alors, la Petite Espère, je savais parce que j'ai un ami qui habite là-haut. mais là j'en ai appris plein avec toi aujourd'hui ce matin. En tout cas, voilà. Eh ben écoute, c'était le but. C'est le but. Si on peut t'aider, nous ça nous fait plaisir. Merci Gilles d'avoir été notre invité ce matin. Merci à toi Francky. Et puis bonne continuation, bonne recherche. C'est ça. Salut. 96.2 FM, la fréquence qu'il vous faut tous les matins avec Gilles qui était notre invité ce matin. N'hésitez pas à nous contacter à la radio si vous avez des informations pour l'aider. Eh bien allez-y. Hein. 02 38 43 48 00. Voici un démarre JDCD. Explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou. Tudo passou. Acabou. Eu vou me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. J'ai décidé, ça on adore. Bah ouais, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Gilles Ecamp, qui est notre invité aujourd'hui. Il nous a parlé justement des forces américaines qui étaient là pendant les années 50 à 67 à Orléans. Eh bien, on en a pris un petit peu plus ce matin. Ouais, des bons plans le matin pour vous. Avec le meilleur des souvenirs. Avec mon pote, le Def Monde, Marseille et Karine, tu me plais, c'est la bande originale de Taxi. Là, ça va vous rappeler de très bons moments, j'en suis sûr. Salut Elodie, qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-la-Rebelle. Voici Def Bond, Karine, tu me plais sur la radio couleur. Je sais, allez, mon temps, ma caisse, bébé, après on voit. Je n'aurais jamais cru comme ça. Et moi, tu me plais. Ah ouais, vas-y, bon, pas de chichi, moi où on va. Je n'aurais jamais cru comme ça. Dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Mais ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défends les Karine, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volant de ma Benz, Merco flambé, mais elle, se fout tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part, si tu continues à flamber ainsi. Minute, j'dis un truc que t'as peut-être mal saisi, t'es pas d'ici. Non. Tu sais, chez toi, j'sais pas comment c'est, mais ici, on est plein de magnétiques. Comment je fais? Tu veux que je lève mes lunettes, que je mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler, pousse le son moins fort. Si je fais l'effort,

l'essentiel, 8h41 minutes. Coucou à Carlos qui va au boulot ce matin. Ça y est, Francky, c'est la reprise. J'étais en vacances au Portugal pendant 15 jours et direction le job. Pas facile, pas facile. En tout cas, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui avec décibel, ambiance tropicale. Le soleil sera là avec pas mal de nuages ce matin, mais on va frôler les 21 degrés. Voici décibel, c'est sur la radio couleur. C'est le zouk dès le matin avec décibels, ambiance tropicale. Ça fait du bien un peu de zouk comme ça pour vous réveiller. Peut-être que vous venez juste de vous lever. On commence à 10h peut-être, vous travaillez pas le lundi. Eh bien, on vous souhaite une très très bonne journée avec Darina Vitry sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil, courage à vous. Si vous allez bosser, on est là en direct. 96.2 FM. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit que c'est moi. Bébé, je perds foi en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus. faire devant nos amis et même devant nos ennemis que... Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go caté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Exprimer mon amour, je vais juste aimer, je vais juste aimer. C'est beau l'amour. Darina, Victory sur la radio couleur, 8h47 minutes aujourd'hui. Nous sommes le 16, ouais, non 18, je sais plus, ouais 18, je vois mal. Je vais chez l'ostalmo aujourd'hui, je verrai mieux tout à l'heure. Et côté météo, c'est plutôt pas mal, jusqu'à 21 degrés, je vous le disais, le soleil est là, profitez parce que mercredi, jeudi, de la pluie malheureusement. Et puis des bons plans, bah le salon du disque et de la BD, c'est vendredi 24 octobre à La Vallée, à Saran, Fleury-les-Aubrais, ne ratez pas ce bel événement, ne pas rater surtout du son qui arrive, on a Alvaro, Solaire et Sophia sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée en direct. Et juste avant, le meilleur des souvenirs avec Donny Hines. It's alright, it's okay. bons souvenirs ça. Denis Einzelwhite, it's ok. Et puis il vient d'arriver dans les studios, notre ami Bandilla, la planète, ça va mon ami? On va, Bandilla. Et voilà, voilà. JP, ça va Jean-Pierre? Bien et toi? Ouais, tu es super, et toi, comment tu vas? Je vais bien. Ça a été ton week-end? Tranquille, ouais. Ouais. Tranquille, ouais, non, tranquillement avec le beau temps. On a quand même du beau temps jusqu'à mercredi. Ouais. Après, c'est la flotte, hein. Je regarde mercredi, jeudi, là, vendredi même. C'est pas terrible, hein. Après, ça peut changer, hein. Une belle émission qui arrive avant 9h. Et plein de choses encore. Il y a des trucs. Et la mob est toujours en vente, là. A priori, ouais. Il y a de la demande. Il y a de la demande, mais ouais. A priori, elle devrait être vendue, là. Ah, bon, ok. Bah, une mobilette, une surprend. C'était une surprend. Une vogue. Une vogue, ouais. Ouais, bonne époque de la mobilette. Il y a d'autres choses à vendre dans ton émission. Alors, il y a d'autres choses. Il y a un appartement, et puis il y a surtout une offre d'emploi. J'ai des offres d'emploi. J'ai une femme à vendre. Ça viendra. Il y a un mec qui vend sa femme. Ça viendra, peut-être. Un jour, ça sera peut-être la mode. Ou son mec, hein, l'inverse. On parle des femmes, là, dans le centre. C'est ça. Non. Par contre, il y a des offres d'emploi. Il y a une entreprise de maçonnerie qui recherche un maçon qualifié dans le pavillon. Ouais. Et le salaire net est de 2500 euros. Ah vache, t'as de la chance que je suis pas maçon, moi, parce que j'aurais pris le poste tout de suite. Hein. 2500 balles, hein, c'est bien payé. Hein. Ah oui. Après, c'est du boulot, hein, les mecs qui font des heures. Hein. C'est ça. Ouais, mais bon, 2500 balles pour. Ouais, c'est bien. Ça vaut le coup. Bon, si vous êtes maçon ou cherchez du boulot dans la maçonnerie, eh ben, allez-y, hein, avec la trouille. Ouais. Comment tout ou perdre, toi, je m'appelle Jean-Pierre. Et ben voilà une belle émission qui va arriver. Et puis les disques à la demande aussi, ça existe toujours, ça. C'est ça. Moi, je garde ces trucs des années 80. Ah, j'aime bien. Énergie à l'époque, ça. Ouais, c'était ouais. Et puis je kiffe, voilà, parce que c'est vrai que les gens appellent, ils demandent la chanson qu'ils souhaitent entendre et elle passe, en plus, c'est qu'elle passe. Ah, bah, c'est ça. Pas, c'est un peu comme toi, quand ils appellent, ils te demandent. Voilà, est-ce que tu peux passer ça, ouais. Tu leur dis oui, tu leur dis non. Ah, tu dis j'ai pas trouvé. Ça dépend ce que c'est. Si c'est un truc au Portugal, je sais pas. Ah, des fois, c'est vrai, j'ai des gens qui m'appellent, ils me parlent portugais, je comprends rien. Hein. Alors, je dis excusez-moi, mais d'autres sont pas portugais. Désolé. Désolé. Ah, mais bon, voilà. Je parle pas. Après, il y a des émissions comme la tienne, hein, ils peuvent t'appeler. Hein, ils peuvent parler en portugais avec toi. Hein, voilà. Ouais. Bah, désolé, moi, à part Bandilla. Voilà. Non, moi, je parle, l'émission est faite en français. Enfin, je parle en français parce que je pars du principe que les portugais en France, ça, après, quand ils comprennent le français. Ouais, bien sûr. Donc, et puis le but du jeu, c'est de toucher tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben, ça va démarrer dans 6 minutes, après la pub. Exactement, hein, mon Franck. La pub, c'est ce qui fait vivre la radio, la pub. C'est ça. Merci, mon JP, à tout de suite. À tout de suite. En direct à la radio, Jean-Pierre, qui arrive dans moins de 10 minutes. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te dejo, solo te deseo. Sofía, sigo sin tu mirada, sigo, dime Sofía. Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur des souvenirs, Alvaro Soler et Sophie. Hein, je vous retrouve demain, 7h, 9h, en pleine forme, hein, soyez là. Dès le réveil, hein, ouais, sur la tangentielle, peut-être comme José qui est parti bosser ce matin à 6h, bah ouais, on est là pour vous réveiller. À demain, je vous laisse avec Jean-Pierre, à tout de suite la famille.